Poème numéro 1, prologue des poèmes saturniens de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Guan. Dans ces temps fabuleux, les limbes de l'histoire, où les fils de Ragu, beaux de phare et de gloire, vers la Ganga régnaient leur règne étincelant, et par l'intensité de leurs vertus troublant, les dieux et les démons, et Bhagavat lui-même, Auguste s'élevait jusqu'au néant suprême. Ah, la terre et la mer et le ciel, pur encore et jeune, qu'arrosait une lumière d'or frémissante, entendaient, apaisant leurs murmures de tonnerre, de flots heurtés, de moissons mûres, et retenant le vol obstiné des essaims, les poètes sacrés chantaient les guerriers saints. Cependant que le ciel et la mer et la terre voyaient, rouges et lasses de leur travail austère, s'incliner, pénitents fauves et timorés, les guerriers saints devant les poètes sacrés. Une connexité grandiosement calme liait le kshatriya serein au chanteur calme. Valmiki l'excellent à l'excellent Rama, tel sur un étang deux touffes de Padma. Et sous tes cieux dorés et clairs, hélas antique, de Sparte la sévère à la rieuse alique, les aèdes, Orpheus, Achaïos, étaient encore des héros altiers et combattaient. Homéros, s'il n'a pas, lui, manié le glaive, fait retentir clameur immense qui s'élève. Vos échos, jamais las, vaste postérité, d'Hector et d'Odysseus et d'Achilleus chantés, les héros à leur tour, après les luttes vastes, pieux, sacrifiés aux neuf déesses chastes. Et non moins que l'art d'Arès fut épris, de l'art dont une palme immortelle est le prix. Achilleus, entre tous, et le Laïciade, dompta, parole d'or qui charme et persuade les esprits et les cœurs et les âmes toujours, ainsi qu'Orpheus domptait les tigres et les ours. Plus tard, vers des climats plus rudes, en déserts barbares, chez les francs tumultueux, nos pères, est-ce que le trouvère héroïque n'eut pas, comme le preux, sa part auguste des combats? Est-ce que, Théroldus ayant dit Charlemagne, et son neveu Roland resté dans la montagne, et le bon Olivier et Turpin au grand cœur, en beau couplet et sur un rythme âpre et vainqueur, est-ce que, 50 ans après, dans les batailles, les durs leudes perdant leur sang par vain entaille, ne chantaient pas le chant de gestes sans rivaux, de Roland et de ceux qui virent Roncevaux, et furent de l'énorme et suprême tuerie, du temps de l'empereur à la barbe fleurie? Aujourd'hui l'action et le rêve ont brisé le pacte primitif par les siècles usés, et plusieurs ont trouvé funeste ce divorce de l'harmonie immense et bleue et de la force qu'autrefois le poète tenait, en bride, blanc cheval ailé qui rayonnait. La force maintenant, la force, c'est la bête, féroce, bondissante, et folle et toujours prête à tout carnage, à tout dévastement, à tout égorgement, d'un bout du monde à l'autre bout. L'action qu'autrefois réglait le chant des lyres, trouble, enivré, en proie aux 100 000 délires, fuligineux d'un siècle en ébullition, l'action à présent, ô pitié, l'action, c'est l'ouragan, c'est la tempête, c'est la houle, marine dans la nuit sans étoiles, qui roule et déroule parmi des bruits sourds l'effroi vert et rouge des éclairs sur le ciel entrouvert. Cependant, orgueilleux et doux, loin des vacarmes, de la vie et du choc désordonné des armes, mercenaires, voyez gravissant les hauteurs ineffables, voici le groupe des chanteurs, vêtus de blanc, et des lueurs d'apothéose, empourpre la fierté sereine de leur pose. Tous beaux, tous purs, avec des rayons dans les yeux, et sur leur front le rêve inachevé des dieux, le monde que troublaient leurs paroles profondes, les exile. À leur tour, ils exilent le monde. C'est qu'ils ont à la fin compris qu'il ne faut plus mêler leurs notes pures aux cris irrésolus que va poussant la foule obscène et violente, et que l'isolement sied à leur marche lente. Le poète, l'amour du beau, voilà sa foi, l'azur son étendard, et l'idéal sa loi. Ne lui demandez rien de plus, car ses prunelles, où le rayonnement des choses éternelles a mis des visions qu'il suit avidement, ne saurait s'abaisser une heure seulement sur le honteux conflit des besognes vulgaires et sur vos vanités plates et si naguère on le vit au milieu des hommes, épousant leurs querelles, pleurant avec eux, les poussant aux guerres, célébrant l'orgueil des républiques, et l'éclat militaire et les splendeurs auliques, sur la guitare, sur la harpe et sur le luth, s'il honorait parfois le présent d'un salut, et daignait consentir à ce rôle de prêtre, d'aimer et de bénir, et s'il voulait bien être la voix qui rit ou pleure, alors qu'on pleure ou rit, s'il inclinait vers l'âme humaine son esprit, c'est qu'il se méprenait alors sur l'âme humaine. Maintenant, va mon livre où le hasard te mène. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public.